L'Union sacrée par Jean Rebrard. La présence devant la grille du quartier de celle dont il était divorcé depuis 8 ans, voilà d'une ombre soudaine la joie de M. Daigurande. Et l'évidence l'accabla. Le même avis qu'il avait informé que son fils Louis, de passage à Amiens avant son départ pour les tranchées, le pourrait voir quelques heures, la mère aussi l'avait reçu. Même il soupçonna l'enfant, dans sa commune tendresse pour tous deux, d'avoir prémédité leur rencontre. Le jeune homme cependant parut. Le costume martial en soulignait le visage encore puéril, en même temps qu'il accusait la vigueur des membres assouplis par les sports. Un soldat n'a guère encore invraisemblable, et vu seulement depuis que durait cette guerre. Marie-Louise, émouvant et magnifique, qui portait dans ses yeux clairs l'orgueil déjà de la victoire, et gardait dans son sourire la sérénité de celui qui sait. Discrètement, M. Daigurande avait laissé la mère s'élancer. Ils échangèrent ensuite un salut cérémonieux. Ils ne s'étaient pas revus depuis la rupture, après quoi le collège avait gardé l'enfant qu'ils se partageaient aux vacances. Mais la brutalité même de l'affrontement en amortissait le choc par une sorte de stupeur. « Je puis, annonça Louis, dîner avec vous. » La mère déjà avait pris le bras de son fils et le pria. « Tu viens, père, je pars demain pour le front. » L'imminence du départ était pour lever tout débat. M. Daigurande subit la fatalité du cas. Ils se mirent en marche de l'autre côté. Un léger effort mondain surmonta le premier malaise et dissimula le mécontentement de chacun de n'avoir pas l'enfant à soi tout seul. Un amour-propre aussi aidait. Et au cours du dîner, à l'hôtel, en public, l'entrain de Louis acheva de faciliter l'entretien. Aussi bien, à mesure que coulait l'heure, le père et la mère s'oubliaient l'un l'autre pour ne plus voir que lui. Le factice des attitudes tomba, tandis que déjà commençait de peser la mélancolie des séparations prochaines. Les paroles furent rares, on consulta les montres plus fréquemment. « Un point, dit Louis, me contrarie. Pour vous donner de mes nouvelles, il me faudra écrire séparément à chacun de vous. 2 lettres, par conséquent, et dans les tranchées, le temps, les moyens. Ne pourrais-je pas vous écrire à tour de rôle? Vous vous transmettriez mes lettres l'un à l'autre. » La mère regarda M. Daigurande, lui détourna les yeux. Il songeait à son divorce et lentement il secoua la tête, tant de choses. « Une carte postale, dit-elle alors, est vite bâclée. Une ligne, un mot, cela suffit, tu te rattraperas les jours de repos. » Louis, attristé, n'insista pas. M. Daigurande d'ailleurs annonçait « C'est l'heure ». Ils s'acheminèrent en silence d'abord vers le quartier. « Il me semble, rappela Louis, être encore au jour où vous m'accompagnez ainsi tous deux à mon entrée au collège. » Pour fuir ce souvenir, M. Daigurande parla de la guerre. Il trouva les paroles fortes et généreuses qui conviennent au père. Tout au fond, cependant, une faiblesse se levait. Son refus de tout à l'heure lui laissait un regret, un remords presque. Un attendrissement éveillait en lui un désir, le besoin de donner à son fils une joie, de lui consentir un sacrifice. Le moment venu des adieux. « Si, cependant, dit-il, ta mère consentait pour t'éviter une peine. Nous transmettre des lettres ? Acheva-t-elle avec vivacité. « Soit. » L'étreinte de Louis les remercia. Lui partit, ils demeurèrent un moment immobiles, dans l'ombre et la foule, comme si d'être là leur laissait quelque chose encore de la présence de l'enfant. « Vous avez, s'informa M. Daigurande, mon adresse pour les lettres ? Je l'ai. La mienne ? Je l'ai également, dit M. Daigurande. Un profond salut, ils se quittèrent. À Paris, la première lettre de Louis à sa mère, un domestique la porta à M. Daigurande. Celle que le père reçut à son tour le surlendemain, il l'alla déposer lui-même. Louis était au front. Il fut au feu bientôt. Le léger lien, rattaché par la tendresse commune, se resserra dans la commune inquiétude, dans l'attente impatiente, parfois fiévreuse, des nouvelles. Des angoisses aussi survinrent. La mère n'entendait pas toujours clairement les dépêches que publiaient les journaux, non plus que certains détails contenus dans les lettres. Elle songeait que M. Daigurande, un homme, devait savoir, lui surtout, qui était versé dans les milieux politiques. Elle osa un jour d'anxiété solliciter de lui un éclaircissement. Le domestique lui rapporta une réponse écrite qui la rasséréna. Puis, le même cas s'étant représenté, M. Daigurande, ému par les craintes maternelles, se laissa incliner à la nécessité d'une explication verbale et directe. Son offre acceptée, lui-même, au sortir de l'entretien, se sentit rassuré davantage, par les réseaux mêmes qu'il avait invoqués pour rassurer la mère. Ils prirent conscience alors que leur accord, même éphémère, leur fut un appui, une force. Des semaines, pour eux, coulèrent parmi des alternatives de tourments et de joie. Concentrés sur l'enfant, leurs pensées ne se séparaient plus guère l'une de l'autre, et la volonté de Louis en même temps pesait sur la leur. Patiemment, obstinément, Louis les mêlait, les confondait dans ses lettres. « Tu diras à maman, demande à papa. » Et ainsi M. Desgurande renoubla sa visite. L'habitude se prit, il apporta lui-même chaque fois la lettre qu'il avait reçue. « Je tremble, » disait la mère, « quand vous venez, mais je tremble encore plus quand vous tardez à venir. » Elle dit ce jour-là, « C'est un peu comme au temps où il était malade vers 6 ans, quand nous attendions le docteur, pour vous rappeler. » M. Desgurande se rappela. Les souvenirs accoururent, les premiers pas, les premiers jeux de Louis, les doux rires, les jolis mots d'enfant. Et de là, le milieu d'alors tout entier s'évoquait, ou, plus jeune, avant les désaccords, ils s'aimaient tous deux. Un attendrissement les gagnait qu'il s'efforçait de cacher sous un air de gravité détachée, mais il se défendait mal contre une secrète douceur d'unir à nouveau leur cœur en le cœur de l'enfant. Et surtout, un sentiment les émouvait et les rapprochait insensiblement. Une admiration, un orgueil de la bravoure de Louis inclinaient chacun d'eux à une reconnaissance envers l'autre qui lui avait donné un tel fils. M. Desgurande un matin accourut, triomphant. « Il est, annonça-t-il, à l'ordre de l'armée. » La mère s'assit et pleura. La lettre lue, M. Desgurande reprit. « J'ai retrouvé les journaux qui relatent l'affaire. Vous verrez, c'est superbe. » Il lisait encore, évoquant Louis dans la gloire héroïque de la lutte, que l'heure du déjeuner était passée. La mère timidement pria. « Si vous restiez, nous avons tant encore à causer de lui. » Il semblait d'ailleurs qu'ils ne fussent pas seuls et que Louis fût avec eux. M. Desgurande s'inclina. Les propos reprirent dans la salle à manger, interminable. En même temps que le présent, le passé se levait. Une fois de plus, et l'avenir même s'effleurait, s'entrevoyait par moments. « Il sait, demanda M. Desgurande, que je viens vous voir. »« Je le lui ai dit. Vous avez bien fait. Il a dû être content. S'il peut vous voir ainsi aujourd'hui, ils ont besoin de joie, eux aussi, sur le front. » Il eut un long silence pensif, à 2 ou 3 reprises. M. Desgurande parut sur le point d'en sortir et, chaque fois, la mère, comme dans une attente, avait un mouvement vers lui. « Bravo, Louis, » dit-il enfin. « Il serait si heureux si... »« Si ?» interrogea la mère. Leurs pensées se pénétraient, mais ni l'un ni l'autre n'osaient encore les mots pour exprimer la sienne. M. Desgurande reprit. « Si je lui écrivais, si je pouvais lui écrire... »« Lui écrire que... » encouragea la femme. « Tenez. » brusqua M. Desgurande. « Je vais faire la lettre. Vous me direz si je dois l'envoyer. » Le nécessaire à porter, M. Desgurande, après quelques lignes, s'arrêta tout à coup. « Je n'ose achever, sans savoir. » Puis, glissant la feuille, « Voulez-vous voir, Marguerite ?» Marguerite se pencha et lut. « Mon cher enfant, tu nous rends, ta mère et moi, bien heureux et bien fiers. Ta vaillance est de celles qui font des miracles. » Elle a fait déjà celui de nous rapprocher chaque jour plus étroitement, au point. « La plume !» cria Marguerite avec un sourire ému. Elle acheva la phrase commencée. « Au point de nous réunir bientôt tout à fait, pour ne plus jamais nous séparer. » Puis, passant la feuille à son tour, « Est-ce cela, Pierre ?» Il n'eut plus de parole. M. Desgurande avait ouvert les bras, et contre son épaule, sa femme pleurait doucement. C'était « L'Union sacrée » par Jean Rebrach.